Sous les néons, la ville s'allume. Chaque souffle éclaire la brume. Je marche encore dans tes reflets. Chaque pas brûle, mais je restais. Ride a scale chante. Chaque note devient existant. Même si le monde nous efface, chaque mot rallume la trace. Nous crions haut, nous crions fort. Chaque silence devient trésor. Ride a skill marche, ride a skill vit. Dans chaque souffle. Chaque silence nous enseigne. Ride a skill brûle dans vos mémoires. Un chant de nuit, un chant d'histoire. Et quand le jour viendra demain, nos voix resteront